La dent malade, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La dent malade, à Saint-Germain. Le tigre est-il vraiment jaloux de sa tigresse, autant qu'un vieil amant de sa jeune maîtresse? Le Bengale est bien loin. Le saura-t-on jamais? Pour les vieux amoureux, certes, je les connais. Mais quant à comparer le jaloux et le tigre, j'ai mieux imité feu le marquis d'Aligre, en disant à chacun « Voici du papier blanc. Inscrivez-vous, et puis nous ferons le bilan. » Lambert est un jaloux que j'ai l'heure de connaître. A-t-il, me direz-vous, quelque raison de l'être? Mais non, s'il en avait, il ne le serait plus. Ou je connais bien mal ces gens irrésolus qui cherchent jour et nuit de soleil et de lune. Une preuve, une seule, à leur propre infortune. La trouvent-ils enfin? Le cœur en est meurtri, mais le lien se rompt, le malade est guéri. La femme, par malheur, n'est-elle pas coupable? Tant pis pour le jaloux. Le mal est incurable. L'autre jour, sur le quai, je rencontrai Lambert. Il portait le front haut et le visage ouvert. « Viens, dit-il, mon ami, quand mes bras je te presse. J'ai du bonheur pour deux. J'ai quitté ma maîtresse. Lucie, tu la connais? J'en étais fatiguée. Le même amour toujours, toujours, ce n'est pas gai. De quand? D'hier au soir. » La rupture s'est faite, sur l'oubli d'un bouquet pour le jour de sa fête. C'est fini cette fois. Mon ami, voilà 10 ans passés que je n'avais dormi. Qu'on ne m'en parle plus, j'en aurai trop de honte. Plus un mot. Cependant, il faut que je te conte, après un si long bail, comment je fus conduit à rompre tout d'un coup sans scandale et sans bruit. Et de quel esprit calme, et de quelle main sûre, un jour j'ai détaché le fer de la blessure. C'est là, me diras-tu, le fait des gens prudents? Non. Sais-tu ce que c'est que d'avoir mal aux dents? Oui. Non. Mais continue. Eh bien, mon camarade, pose ton doigt ici. La dent qui fut malade occupait cette place où tu ne sens plus rien. Par elle j'ai souffert le martyr chrétien. L'homme, chrétien ou non, n'est plus ou moins sensible. Moi, j'ai le grand défaut d'être trop accessible aux plaisirs, aux douleurs. Mon cœur va le galop. Beaucoup jouir, beaucoup souffrir, voilà mon lot. Or, ce qui m'agitait, ce n'était pas la joie. À tous les maux connus, mon être était en proie. Ô souffrance du cœur, ô souffrance du corps, qui de vous a le prix au combat des plus forts? Et que sera-ce donc quand vous êtes unis pour venir assiéger nos pâles insomnies? 10 ans j'ai supporté dans un calme poignant la double émotion de ce drame saignant, et triste dénouement d'une action si triste, j'entrevoyais au bout le spectre du dentiste. Je remettais toujours de veille à lendemain l'instant où dans ma bouche il entrerait sa main. Enfin, avant-hier, dans un moment de rage, je mis moi-même un doigt à son futur ouvrage. Sous cette pression, la dent parut trembler. Je la fis doucement avancer, reculer, et puis, d'un choc plus brusque essayant l'aventure, je fis. La dent tomba comme une orange mûre. Une goutte aussitôt sur ma tempe coula. Et tout bas je me dis, quoi, ce n'est que cela? Rien qu'une place vide, une douleur passée. Sais-tu, dans ce moment, où courut ma pensée? Elle alla sans détour du physique au moral, de la bouche guérie au cœur où j'avais mal. Pour la première fois je me sentis mon maître. Je sondai ma blessure, et je me dis, peut-être, si l'on peut s'arracher le cœur sans en mourir, la cause étant absente, on ne doit plus souffrir. J'allais donc chez Lucie le soir, c'était sa fête. À recevoir mes vœux, elle se tenait prête. Mais je n'avais ni fleurs ni bonbons. Là-dessus, plainte et cri, Lucie, que je ne l'aimais plus. Moi, qu'elle ne m'avait jamais aimée. La scène se produisait ainsi 4 fois par semaine. Mais j'étais préparée. Pour la première fois, je n'avais pas l'accent des yeux ni de la voix. Au plus profond de moi, j'avais caché mon arme, et je sus dire adieu sans verser une larme. Ainsi, de parti pris, j'avais dans un seul jour arraché de mon cœur un éternel amour. J'admirais comme on peut se maîtriser soi-même, jusqu'au point d'oublier une femme qu'on aime. Car enfin, tu le sais, je l'aime, je l'aimais. Mais quant à la revoir, jamais, jamais, jamais. Pour moi, pour mes amis, il faut que je renaisse. J'ai 40 ans, je vais commencer ma jeunesse. Lambert aurait voulu parler jusque au soir. Je lui serrai la main en disant au revoir. 7 ou 8 jours après, en quête d'autres affaires, j'étais au même endroit, du même quai Voltaire. Je crus apercevoir l'ami Lambert, de loin. Il me sembla vouloir m'éviter avec soin. Ayant manqué son coup, à changer il fut preste. Nous causâmes du temps, de la pluie et du reste. Du reste, non pourtant, du reste, pas un mot. Par ce fait, l'entretien se termina plus tôt. Nous nous dîmes adieu, ne sachant que nous dire. Mais lui, me rappelant, ajouta sans sourire. À propos, j'oubliais de te dire. Lucie te fait ses compliments. Hein? Quoi? Très bien. Merci. Fin de La Dent Malade, enregistrée par Margot.